الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ويتوب الله على المؤمنين وعلى المؤمنات أو يتوب الله على المؤمنين وكان الله غفورا رحيما وقال جل وعلا في كتاب الكريم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى عباد الله في هاتين الآيتين الكريمتين ذكر الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى ومنها الغفور الغفار والعفو فهو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي ألا وإن من مقتضيات معرفة هذه الأسماء الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بكثرة الاستغفار وترك الذنوب والمعاصي ورجاء مغفرته وعدم اليأس من رحمته تبارك وتعالى وإن من طبيعة الإنسان الخطأ فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ما الواجب على من عصى ربه ونسيه ما الواجب على من وقع في الخطأ والذنوب والمعاصي يجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى يجب عليه الاستغفار وقد مدح الله عباده المؤمنين بهذه الخصلة قال جل وعلا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فالله فتح لنا بابا عظيما باب الاستغفار وأخر العقوبة ما وجد الاستغفار مع كثرة ذنوبنا الله مولانا يدعونا إلى الرجوع إليه في كل وقت وأظهر لنا الجميل وستر القبيح سبحانه وتعالى من حلمه وعفوه وسعة رحمته تبارك وتعالى ومما يبين لنا أهمية الاستغفار أن الله تبارك وتعالى أمر به أولياءه كنبيه محمد صلى الله عليه وسلم والصالحين فقال عز من قائل في كتاب الكريم واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما وفي آخر حياته صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه سورة كاملة سورة النصر وفيها الاستغفار أمر الله به عباده المؤمنين قال سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وهكذا الأنبياء أمروا أقوامهم بالاستغفار ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في قصة نوح وفي قصة هود وغيرهما من الأنبياء فقال سبحانه يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ثم ذكر الله فضائل الاستغفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ولا تظن يا عبد الله أن هذه العبادة العظيمة تختص بالمذنبين بالعاصين، بل هي عبادة الجميع، وبالأخص الصالحون المتقون. فهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنوبه، ومع ذلك يتوب إلى الله ويستغفر الله 100 مرة في اليوم. الاستغفار دعاء ملائكة الرحمن حملت العرش. قال الله: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الآيات. ومن أحسن فضائل الاستغفار أنه يؤخر العقوبة والعذاب. قال الله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أي أنت يا رسول الله، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فاستغفروا الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العزيز الغفور التواب الغفار، والصلاة والسلام على رسول الله سيد المستغفرين وعلى آله وصحبه الأطهار، أما بعد. الله سبحانه وتعالى dans son livre nous cite beaucoup de ses noms et de ses attributs. Et parmi les noms qui nous ont été enseignés dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a Al-Afu, il y a Al-Ghafur et il y a Al-Ghaffar, le pardonneur. Il y a Al-Tawwab, le grand accueillant au repentir. Et ces noms ont un effet sur ses serviteurs. Et celui qui étudie les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala se doit de l'invoquer avec. Comme Allah nous le dit dans son livre, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Comment est-ce que tu vas mettre en pratique et comment est-ce que tu vas agir après avoir entendu que parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le pardonneur, le grand accueillant au repentir. Tu te dois de lui demander pardon et de revenir vers lui en délaissant sa désobéissance, car c'est celui qui pardonne les péchés, car c'est celui qui excuse ses serviteurs. Allah tabaraka wa ta'ala nous a créé pour une sagesse immense, qui est le fait de l'unifier d'un culte sincère, qui est le fait de l'adorer seul sans rien lui associer. Mais l'homme ne pourra atteindre la perfection, et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ouvert une porte qui est la porte du repentir et de la demande de pardon. Celui qui commet une faute, celui qui commet un péché, ne doit pas se reposer sur cela, ne doit pas désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il doit revenir vers lui, délaisser son péché, placer sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala et espérer sa miséricorde et son grand pardon. Allah tabaraka wa ta'ala fait l'éloge de certains serviteurs dans le Coran en disant: ceux qui, lorsqu'ils commettent des turpitudes ou se font une injustice ou commettent des injustices contre eux-mêmes, se rappellent d'Allah. Ils se rappellent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés si ce n'est Allah? Celui qui entend ce verset doit s'empresser de revenir vers son Seigneur, doit lui demander pardon pour l'ensemble de ses fautes et de ses péchés. Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa douceur envers ses serviteurs, ne les châtie pas immédiatement lorsqu'ils commettent une faute, mais il leur laisse un répit afin de voir s'ils vont se repentir. Et parmi ce qui nous montre l'importance de la demande de pardon, Il y a le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait ordonné cette grande adoration à son serviteur. À son serviteur et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À qui pourtant il a pardonné l'ensemble des péchés passés et des péchés futurs. Et malgré cela, il lui dit dans le Coran, et demande pardon pour tes fautes. Et demande pardon pour tes fautes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la créature la plus pieuse. La créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préservée de la faute. Et pourtant, il demandait pardon à Allah tabaraka wa ta'ala. Et se repentait à lui 100 fois par jour. Il se repentait à lui 100 fois par jour. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné cette grande adoration à ses serviteurs en leur disant « et accourez vers un pardon de la part de votre Seigneur aussi vaste, plutôt et un paradis aussi vaste que les cieux et la terre qui a été préparé pour les gens pieux. » Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à revenir vers lui. Il nous appelle à lui demander pardon pour l'ensemble de nos fautes et de nos péchés. Et c'est ainsi qu'ont appelé les prophètes et messagers عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم leur peuple à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et à lui demander pardon pour l'ensemble de leurs péchés. Il nous cite l'histoire de Nuh et nous montre que Nuh a dit à son peuple demandez-lui pardon pour vos péchés. Il nous cite l'histoire de Hud et nous cite qu'il a dit à son peuple de demander pardon à Allah azza wa jal pour leurs péchés. Et ainsi beaucoup de prophètes et de messagers dans le Coran. Celui qui fait beaucoup d'istighfar, Allah nous montre dans le Coran que ce sera une cause de subsistance pour lui. Ce sera une cause pour qu'il lui accorde la force et la puissance. Ce sera une cause pour qu'il donne à ce peuple la pluie. Et ce sera une cause pour qu'Allah Azza wa Jal accorde des enfants à la personne qui n'arrive pas à en avoir. Combien de personnes se plaignent de cette maladie, le fait de ne pas réussir à avoir des enfants? Une des causes pour avoir des enfants, kathratul istighfar. Kathratul istighfar, le fait de faire beaucoup d'istighfar, de dire astaghfirullah, astaghfirullah, c'est une cause pour qu'Allah Azza wa Jal t'accorde ta subsistance. Et parmi cette subsistance, les enfants. Parmi cette subsistance, les enfants, comme cela a été cité dans Sourate Nuh. Et ne pensez pas que la demande de pardon est une adoration qui est propre aux grands pécheurs. Non, mais c'est l'adoration que doit mettre en pratique l'ensemble de la communauté, que ce soit ses savants ou la population, que ce soit les gouverneurs ou les gouvernés, que ce soit les gens pieux ou les moins pieux. Et c'est pour cela qu'on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était celui qui demandait le plus pardon à Allah azza wa jal. Car lorsque tu demandes pardon pour tes fautes, on t'efface tes fautes. Et si tu n'as pas de fautes, on t'élève de degré. Comme cela fut le cas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La demande de pardon et l'invocation que font les anges, ceux qui portent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran que ces anges, ceux qui portent le trône, demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner les fautes de des croyants, de pardonner les fautes de ses serviteurs. Et parmi les plus grands bienfaits de la demande de pardon, parmi les plus grands bienfaits de la demande de pardon, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala repousse le châtiment. Nos fautes sont nombreuses, nos manquements sont nombreux. Et Allah subhanahu wa ta'ala pourrait tous nous châtier et ne laisser personne sur cette terre, et il n'aurait pour autant fait aucune injustice à ses serviteurs, comme il nous le dit dans le Coran. Mais il nous dit dans le Coran, en nous montrant les causes qui repoussent son châtiment du serviteur, et il nous en cite deux dans un verset en disant « Et Allah ne les châtiera pas tant que tu seras parmi eux. » La première cause qui repousse le châtiment d'Allah Azza wa Jal sur ses serviteurs, c'est la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur cette terre. Et cette cause s'est arrêtée par la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il reste une deuxième cause. Allah nous dit à la suite de ce verset « Et Allah ne les châtiera pas tant qu'ils demanderont pardon. » Subhanallah. Tant que tu fais de l'istighfar, Allah Azza wa Jal repousse le châtiment. Tant que tu fais de l'istighfar, Allah Tabaraka wa Ta'ala repousse le châtiment. Nos péchés sont nombreux. Nous oublions beaucoup. Mais tout est inscrit auprès d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et il descend au ciel de ce bas monde chaque nuit et demande et nous appelle à revenir vers lui. en nous disant Hal min mustaghfirin fa aghfira lah. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me demande pardon afin que je lui pardonne ses fautes? Et Abu Dharr radiallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah tabaraka wa ta'ala dit, إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. Ô vous mes serviteurs, vous êtes ceux qui commettez des péchés de nuit comme de jour, et je suis celui qui pardonne l'ensemble des péchés. Demandez-moi donc pardon et je vous pardonnerai. Allah tabaraka wa ta'ala t'appelle alors qu'il n'a pas besoin de toi, et tu lui désobéis et tu t'éloignes de lui alors que tu ne peux pas te passer de lui ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Fastaghfirullah ya ibadallah. Allah tabaraka wa ta'ala nous appelle à revenir vers lui. Et on entend certaines personnes dire, moi j'ai beaucoup de péchés, moi je ne peux pas me repentir, mes péchés sont nombreux. Non, cela est une insufflation du diable. Reviens vers Allah Azza wa Jal et tu le trouveras pardonneur et miséricordieux. Il nous dit dans son livre, celui qui commet une faute, celui qui a commis une injustice, puis demande pardon à Allah, il le trouvera pardonneur et miséricordieux. Et il nous dit dans un autre verset, dis ô vous mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. C'est lui qui pardonne l'ensemble des péchés. C'est le miséricordieux. C'est le pardonneur et le miséricordieux. Donc on s'appelle mutuellement à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et à délaisser l'ensemble des péchés et à revenir à la droiture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah tabaraka wa ta'ala dit, mon serviteur a commis un péché. Et il a dit, ô mon Seigneur, j'ai commis un péché, pardonne-moi. Alors Allah dit, mon serviteur a commis un péché. Il a su qu'il avait un Seigneur qui châtiait pour les péchés et qui pardonnait les péchés. Ensuite, mon serviteur est revenu à la faute. Il a commis un péché. Il a dit, ô mon Seigneur, j'ai commis une faute, pardonne-moi. Alors Allah tabaraka wa ta'ala dit, mon serviteur a commis une faute. Il a demandé pardon. Il a su qu'il avait un Seigneur qui châtiait pour les péchés et qui pardonnait pour les péchés. Et une troisième fois, il nous dit cela. Et à la fin, il nous dit, if'al ma shi't faqad ghafartu lak. Fais ce que tu veux, je t'ai pardonné tes péchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah nous dit, ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et tant que tu espères en moi, je te pardonnerai tes péchés. Subhanallah. Qui est-ce qui peut pardonner les péchés en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala? Personne. Allah tabaraka wa ta'ala nous appelle à revenir vers lui. Il nous appelle à lui demander pardon. Et ce bienfait, tu le verras jusqu'au jour du jugement dernier. Et on finira sur ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala yudni abdahu al-mu'min wa yada'u alayhi kanafahu wa sitra. Le jour du jugement dernier, Allah azza wa jal va rapprocher son serviteur, le croyant, le musulman, et il va le couvrir et va lui dire, hey abdi, ألم تصنع كذا وكذا أي عبدي ألم تعمل كذا وكذا. Ô mon serviteur, n'as-tu pas commis tel péché et tel péché? Ô mon serviteur, n'as-tu pas commis telle faute et telle faute? Et le serviteur dira, Bala ya Rabb, si ô mon Seigneur. Alors Allah Azza wa Jal lui dira, et n'as-tu pas commis telle faute et tel péché? Et le serviteur reconnaîtra l'ensemble des péchés. حَتَّى ظَنَّ أَنَّهُ هَالِكُ. Jusqu'à ce qu'il pensera qu'il sera anéanti et qu'Allah Azza wa Jal le châtiera, le mettra en enfer. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, قَدْ سَتَرْتُ هَلَكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُ هَلَكَ الْيَوْمِ. Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le pardonneur, celui qui accueille le repentir, lui dira au final, Je te les ai cachés dans ce bas monde. Je t'ai caché tes fautes et tes péchés dans ce bas monde. Et aujourd'hui, je te les pardonne tous. Et aujourd'hui, je te les pardonne tous. فَمَنْ يَقْنُتُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. Qui est-ce donc qui pourrait désespérer de la miséricorde d'Allah si ce n'est les égarés? أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وارفع البلاء عن إخواننا في سوريا وفي كل مكان، واغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Il y a une personne qui est venue pour se convertir à l'islam et on l'attend devant à la fin de la prière.